Voilà, comme toujours, le ton est donné en début de cette émission. C'est un moment, une heure de temps que nous allons passer avec l'orchestre de Pascal Amar. Voilà, tout est dit, le décor est planté, une heure, musette, chanson, de quoi s'amuser et de quoi rêver, bien évidemment. On est parti pour une valse et elle sera suivie par un tango. À tout de suite. C'est à Paris, on ne sait où, qu'elle a grandi doucement. Cette petite valse, de rien du tout, elle est pleine de bons sentiments. Elle a conquis toute la terre, avec ses joies, ses misères. On t'en fera, près nous traîner, sur sa musique on chantait. Elle danse sur scène dès le premier refrain, la valse des faubourgs. Elle te promène du soir au petit matin, de Bastille à Beaubourg. C'est pas une valse de Vienne, elle habite près de la Seine. Raconte Paris en chanson, dans le souffle de son accordéon. Avec Renaud ou bien Ferret, elle fuit les mondanités. Avec Lemas ou Aznavour, elle murmure des mots d'amour. C'est un parfum de la France, un souvenir de l'enfance. Elle fait partie de notre vie, que l'on pleure ou que l'on rit. Elle danse sur scène et le premier refrain, la valse des faubourgs. Elle te promène le soir au petit matin, de Bastille à Beaubourg. C'est pas une valse de Vienne, elle habite près de la Seine. Raconte Paris en chanson, dans le souffle de son accordéon. Thank you. Voilà, je suis allé un tout petit peu trop vite. Le tango, c'est maintenant. Sorg GFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Allons bon. Bien sûr, on n'est pas là pour rigoler. Hein. Nous sommes sur le 91, comme on vient de le dire, sur le 102.5, comme on vient de le répéter, sur les ondes de Sorg GFM, comme vous le savez, et vous êtes en compagnie de Guido. Alors là, un tout petit conseil. Ne vous mélangez pas les gambettes. Je sais qu'elles commencent déjà à fatiguer. Hein. Eh oui, que voulez-vous? Ça fait presque bientôt une demi-heure hein, qu'on est ensemble. Alors, ça commence à fatiguer. Alors, faites attention. Allez, comme je vous aime bien, j'ai demandé à Pascal Amard de ralentir un peu la cadence et de vous faire les uns et les autres, les uns et les autres, vous rapprocher l'un de l'autre ou l'une de l'autre, comme vous voulez. Thank you. Vous êtes toujours là? Ah ben je l'espère, hein, parce que moi j'y suis et je compte bien y rester encore un moment. C'est pas ma faute si mes pieds se mettent à remuer. C'est toi le roi de la danse, hey Madison. Ce rythme-là, on ne peut pas y résister. Alors dansons pour notre bonheur, pour nous donner chaud au cœur, prendre le temps, profiter. On s'est bien fait, oublier tous ces soucis et rester rien qu'entre amis. Ce Madison, il n'y a pas mieux pour s'éclater dans la vie. Comment fais-tu pour bouger si bien que ça? Dès que j'entends cette chanson, hey Madison, sur cette piste il n'y a plus que toi et moi. La musique nous entraîne loin de tout, comme dans un rêve c'est fou. Ce moment-là est si doux sur ton tempo. Et les cuivres sonnent et les cymbales résonnent. Oh là là, comme c'est chaud! Hey Madison, c'est pas ma faute si mes pieds se mettent à remuer. Toi le roi de la danse, hey Madison. Ce rythme-là, on ne peut pas y résister. Alors dansons pour notre bonheur, pour nous donner chaud au cœur, prendre le temps, profiter. On s'est bien vrai, oublier tous ces soucis et rester rien qu'entre amis. Ce Madison n'a pas mieux pour s'éclater. Voilà, 6 minutes 30 de continu. Alors là, pardon, hein. Ah oui, pardon, parce que là, je sais que je vais me faire disputer. Les gambettes, elles doivent trembler. Mais là, alors là, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez. Thank you. Allez, un peu plus endiablé. Oh, que diable! Bougez un peu, faut faire un peu d'exercice, hein. À notre âge, il le faut. Bon, là, il faut en profiter encore un peu, hein, parce que on est presque à la fin du voyage. Eh oui, Pascal Amar va tout simplement terminer cette émission, pas tout de suite, pas tout de suite, mais dans un tout petit moment. Sorgue FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Eh bien voilà, encore 5 minutes et Pascal Amar va tirer le rideau de ce dimanche musette. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain pour la rediffusion de cette émission. Mais restez bien à l'écoute, il y a la suite.

vous êtes venu prospecter nos villages et nos chemins de pierre. Un portefeuille à la main et des dollars dans les prunelles. Vous venez convertir nos montagnes et toutes nos rivières en richesse et profit attiré de nos terres. Mais vous avez, je crois, la mémoire un peu courte. On s'est bien débrouillé quand on manquait de tout. On ne va pas laisser faire votre armée de soldats qui viendrait tout casser en se moquant de nous. On ne vous a pas demandé de nous changer nos rêves, nous qui avons rêvé de garder nos fontaines. Ne touchez pas à nos richesses, elles n'ont de prix que de les aimer. Un clocher d'église, une fontaine, c'est un héritage que j'aimerais garder. On poursuit avec notre ami Salvatore Adamo avec Cher Anne et Cœur, mon cœur, ainsi que Je m'accroche. Trois magnifiques chansons signées Salvatore Adamo. Anne, ma chère Anne, non, je n'ai rien vu venir. Anne, c'est une vanne, le temps de me ressaisir. Anne, ma belle âme, tu veux vraiment en finir. Anne, large crâne, mais je suis prêt à défaillir. D'un seul coup, Anne, je suis prêt à tout. Dois-je te supplier à genoux, Anne, ma chère Anne? D'accord, je trouverai du boulot, Anne, ma belle âme. Je ne jouerai plus au casino. Anne, que me reproches-tu? Et que puis-je donc faire de plus? Anne, que tes quatre volontés et tes quatre voluptés. Anne, chère Anne, je revendrai ma moto. Anne, ma belle Anne, on s'achètera des vélos. Anne, tout colle entre nous, mais là tu m'as pas d'un seul coup. Anne, on écoutera du Stockhausen. Anne, je ne ferai plus l'âne et je promets de rester zen. Anne, ma belle Anne, on se chantera des mantras. Anne, bloquer nos chakras. déjà que je t'écoute battre. Aujourd'hui en douceur, mais hier encore nous dévalions gaiement les marches quatre à quatre. Sorgue FM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. Arrêtez le temps, retenir le vent qui n'y pense pas. Revivre à l'envie les moments bénis, les éclats de vie, les plus belles joies, les rires, l'instant où les cœurs chavirent et irrésistiblement s'attirent. quoi ai-je peur? Les nouveaux bonheurs ne m'inspirent pas. Nos mots d'amour, nos promesses me reviennent sans cesse, mais sont si loin déjà. Ai-je tout gâché? Qui me délivrera de l'ombre du passé qui colle à mes pas? Tu vois, je m'accroche à mes souvenirs des beaux. Albin de la Simone. Albin de la Simone, c'est un chanteur, compositeur, interprète. Il va nous interpréter Dans la tête et en duo avec Vanessa Paradis, Adrienne. Tu dis la douleur aujourd'hui. La mort, la maladie, le corps et la mémoire, l'abandon et l'espoir. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'amour, l'ami, y en a encore ou plus. On a encore envie, on se plaît, on sait plus. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau rouillée. agroéconomie, le don, le dû, le débit. Trop de tout ou trop peu, c'est ni moins bien ni mieux. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Tu dis l'empire, la réussite, le succès, le mérite. Monter dans l'ascenseur, tu avances ou tu meurs. C'est dans la tête tout ça, c'est dans la tête. Seulement, parfois dans ma tête, tu vois, il n'y a que de l'eau, une poignée d'eau salée, une poignée d'eau brouillée. Solitude, le tourbillon, la poisse, les frissons de l'angoisse. Tu dis tout ça, c'est dans la tête, c'est dans la tête, tu crois. Fantaisiste, elle était romantique et très aphrodisiaque. Princesse à l'abandon, je coulais pour de bon et lui Saint-Bernard dans le fond. Elle aimait emmêler les sentiments, il aimait les démêler gentiment. Mais elle est particulièrement partie brusquement. En fanfare, Adrienne, quand on commence à m'oublier à peine. En plein phare, Adrienne, un matin sans crier gare, ressort du placard. Devant sa vue, je lui parle d'amour. Mon sang ne fait qu'un tour, les souvenirs pourtant me crient attention, c'est du vent. Elle opposait les épouses apaisées, moi j'apaisais les hommes épousés. Et où la zizanie se met, elle disparaissait. En fanfare, Adrienne, quand on commence à m'oublier à peine. En plein phare, Adrienne, un matin sans crier gare, ressort du placard comme par hasard. En fanfare, Adrienne,

douceur. Pour cesser de souffrir, il va donner sa vie au matador. Dans ses yeux, on voit plus de pardon pour le tueur que pour les picadors. Celui qui se fait gloire de supporter le mal est beaucoup moins fort que celui qui s'en sort. Mais Dieu, que l'amour est triste. Oh, que l'amour est triste. Depuis que le monde existe, je dis que l'amour est triste. Mais Dieu, que l'amour est triste. Oh, Dieu, que l'amour est triste. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tes cheveux portaient des rubans. Tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tu au lycée. Michel, si près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Boire un chocolat et puis t'embrasser. Bonsoir, j'ai rêvé. Ah bah oui, c'est déjà un rêve de chanter à vos côtés. Merci. C'est un rêve pour moi aussi, parce que j'essaie d'en faire le plus possible. Pourquoi ? Parce que ça m'éloigne un petit peu de tout ce qui nous entoure, qui n'est pas toujours très sympa. Réalité. Alors je m'invente un peu une vie possible. Et alors, elle est sympa ? Ouais, vachement. Elle est cool. Ouais, je te raconterai. D'accord, vous me donnerez les clés ? Ouais, enfin, à toi seulement alors. D'accord, merci. Je veux bien. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid, car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. C'est qui Nicolas ? Nicolas, c'est... Je te raconterai. Voici les clés, ne les perds pas. Sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Nanana, nanana, nanana, nanana. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. On n'est jamais perdant quand on m'aime. J'ai mes bouquins et ton petit chien. Eux sont contents. Alors moi, une de mes chansons préférées, c'est « Et moi je chante ». Et la première fois que je vous ai entendu... Très bon goût. La première fois que je vous ai entendu la chanter, c'était il y a 5 ans, je crois. Et j'avais halluciné, parce que vous l'aviez chantée magnifiquement bien. Et je m'étais dit, oh, mince, il faut être à la hauteur après, ça va être compliqué. Je n'ai aucun doute en ce qui te concerne. Je vais essayer de vous la chanter alors. Je pense que tu vas bien essayer. Ok, alors j'essaie. Et je suis sûr que ça va me plaire. Je vois un train venir sur un nuage d'autrefois. Je vois une main tenir des fleurs, mais elle n'a pas de doigts. Je vois un chien mourir d'avoir voulu suivre mes pas. Je vois l'hiver sourire aux années bleues de l'au-delà. Je vois brûler des villes au milieu d'océans cachés. Je vois des yeux qui brillent au silence sur des grands rochers. Je vois un jeu de quilles que je ne peux pas faire tomber. Je vois une petite fille ensevelie au miroir des années. Je chante, je ne sais faire que ça, je chante de tout mon désespoir.

plus ou moins nette, comme les piqûres en cachette, l'alcool et les cigarettes. Il y a des pilules, des tablettes, des salades sans vinaigrette. Moi je suis toujours à la fête chez toi. Pour décoller de la planète et s'envoler à perpète, j'ai la meilleure des recettes. Moi vouloir toi. Amoureux, sans peur du lendemain.